pour des trucs à la con. Donne-moi ta main, je vais te montrer de tristes horizons. Oh, oh. Tu veux te battre contre le temps, t'as perdu d'avance. T'aimes trop faire des trucs chelous. Les bons conseils, tu t'en balances. On te dit que tu fais trop la tête. Tu sors beaucoup, tu fais trop la fête. Ta vie tourne autour des histoires de mecs. Des mensonges pour des choses pas très nettes. Tu cours après l'argent pour tout dépenser. La jalousie finit par te charger. Où sont tes amis, ils t'ont zappé. Vas-y, laisse-moi te guider. Parce qu'on n'a qu'une seule vie. Faut pas se la compliquer. On n'a qu'une seule vie. C'est le moment d'en profiter. On n'a qu'une seule. Faire les choses, t'inquiète, on se verra tout à l'heure. Y'en a qui tapent dur tous les jours, histoire de se mettre bien. Y'en a qui ont tout ce qu'ils veulent, mais dites-moi encore ce qu'ils veulent. Ils veulent une nouvelle voiture, ils veulent la villa et le chien. Ils veulent plus payer de factures, ils veulent repousser à demain. Plus tu as de l'argent, plus t'as de problèmes. Quand tu es assisté, t'as la flemme. T'as plus le temps de savoir qui tu aimes. Si t'es perdu, laisse-moi te guider. Parce qu'on n'a qu'une seule vie, faut pas se la compliquer. On n'a qu'une seule vie, c'est le moment d'en profiter. On n'a qu'une seule vie.